Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un bouquet de roses, et le troisième avait en main une robe toute fleurie de perles d'or et de jasmin, comme en a Madame Marie. Pour celui-là.